Babé à Temo, Patrick Diamona. Bana Bakazini, Bana Baloumé, c'est comme à côté la moitié mono. Diba Diodé, Diodé, Wakouzaï, Mamou Moulé, la va passer. Moui Mouéla. Bana Bakazini, Bana Baloumé, c'est comme à côté la moitié mono. Diba Diodé, Diodé, Wakouzaï, Mamou Moulé, la va passer. Gastino Mangala, moi la Montréal. Bouye, Nikakuya, yo yo yo. Tu yo yo yo yo yo mama ati kutagila babula asinga bwedi bomolongo yo yo bolongo ya maja ati tisomi ati tilandeo ati tindekela kalanda ati tikarebu ati tindekela yo kwa shani bandu nye kwa tele nita ati limude mokasi yo yo yo bakupi yo Jiba Muloa, Akrame.